French Connection. J'ai enlevé la batterie, il y avait toi, Karma. Vas-y, envoie. Ah non, je me suis trompé, attends. Ok, je remets le mec. Tom, il est pire que moi, lui. Un riff à chaque mesure. comme la volte. Bon sang des Françaises, Françoise. French Connection, viva la French Connection. Je ne veux pas que les liens entre les nationales. Thank you. Everybody knows. Don't be a smart.

variations, regarde. Donc tu changes, Mike ? We'll be right back. sais pas si ça a l'air ensemble, ça. Je vais voir. En fait, on faisait un truc, je crois qu'on va changer. Ou on reste sur le même truc, tu vois. C'est Mike. C'est Karma qui est we'll be right back. Thank you.